Isabelle, est-ce qu'il y a du sucre dans le sucrier? Oui, madame, seulement le couvercle était en bas et les mougeons étaient dessus. Ouais, ben, frottez les morceaux avec une serviette. Mais ça ne s'est pas d'or, madame. Ben, grattez avec un couteau. Qu'est-ce qu'il y a, Hortense? Ah oui, il faudrait mettre un nouveau manchon au gaz. Encore un? Il est seulement dessus depuis 15 jours. 15 jours et un petit peu. Isabelle, donne une fois le manchon. Bien, madame. J'aimais mieux le temps des lampes à pétrole. Alors, je devais pas me mêler de ça. Oui, mais ceci, c'est un ouvrage d'homme. Vous auriez tout de même pas à faire venir un ouvrier pour ça. Oui, c'est déjà bon. Est-ce que vous allez mettre le cramique sur la table? C'est ça, vous. Le cramique, qui est l'étreinte du boulanger. Un si beau pain, avec de si belles corinthes. Un cramique qu'on a eu pour rien. Pour rien? Un cramique de 50 centimes et vous avez été donné 2 francs au garçon. On peut pourtant pas avoir l'air de crotteux, hein? Alors, vous le mettez pas sur la table? Non. L'étreinte du boulanger, ça, c'est pour nous. C'est pour manger en famille. Vous allez me faire pleurer. Isabelle! Ben, Isabelle, qu'est-ce que vous faites, donc? Mais je nettoie le sucre, monsieur. Hein? Ben oui, il y a des crottes de mouche sur le sucre, alors elle le frotte. Oui, ben, finissez, vous allez me rendre nerveux. Hop! Hortense, le bouton de mon col qui saute. Ouais, c'est ça, mais c'est que vous l'avez encore une fois mal attaché, hein? Oui, mais je vais y être étranglé. Eh ben, ôtez votre col. Mais je ne sais pas, à cause du manchon. Allez, faites attention de ne pas le casser, hein? Venez m'aider. Ouais, vous êtes quand même un embêtant. C'est vous qui êtes une embêtante. Aïe! Si vous étiez un peu plus sérieux sur le linge, ça n'arriverait pas. Je parie que c'est de nouveau la boutonnière qui est déchirée. Mais non, c'est simplement des faits. Vous devenez tellement gras, vous faites tout péter. Attention, vous pincez la viande avec... Mais non, c'est simplement votre pomme d'Adam. Oh, vous êtes à droite comme... Oui, oui, eh bien alors faites-le vous-même. Pourtant, je vous préviens que je laisse tomber le manchon. Oh, ce que vous êtes désagréable. Tenez, regardez, le président d'honneur. Hortense, vous n'allez pas recommencer, un jour comme aujourd'hui. Mais c'est justement un jour comme aujourd'hui que vous devriez pouvoir dire à l'occasion des fiançailles de votre fille avec Séraphin Meulemeestre que vous avez l'honneur d'être président d'honneur. Vous allez me donner une attaque d'apoplexie. C'est peut-être ça que vous cherchez. Oui, je veux votre mort, n'est-ce pas? Bien, je suis assuré sur la vie. Oh, ça c'est dégoûtant ce que vous dites là. Je dis ce que je pense. Vous pouvez vous vanter de ce que vous pensez. Tiens! Ne me secouez pas comme ça. Attention au manchon! Attention au manchon! Ouais, ça y est. Oui, il est cassé. Ça me fait rien, père, il y en a encore dans le bureau. À quoi ça peut servir? C'est tout de même pas le maître. Mais ça fait rien, mais moi je sais le placer. Je vais le chercher. C'est dans le pupitre à gauche. Vous voyez, Suzanne, si vous n'étiez pas là, nous serions sans lumière. On aurait été vite chercher un manchon. Ouais. Votre père l'aurait encore une fois cassé. Oui. Je sais pourquoi il le casse toujours. Parce qu'il est maladroit. Non, mère, pas pour ça. Écoutez, mère, aujourd'hui, c'est un jour où je vais devenir une grande fille, puisque je vais être fiancée officiellement. Oui. Je peux dire quelque chose? Oui, allez. Eh bien, je dis que père est un brave homme, et vous le taquinez tout le temps. Vous savez bien que c'est un brave homme. Il a quelquefois des idées, je sais bien, mais il faut passer là-dessus. Vous vivez ensemble et vous vous aimez beaucoup. Quand il a seulement une fois mal à la tête, vous êtes comme folle. Vous courez derrière le médecin pour lui demander ce qu'il a, et s'il ne vous dit pas que ce n'est rien, vous attrapez la fièvre, vous pleurez, vous voulez acheter toutes sortes de choses pour qu'il mange. Vous lui mettez des couvertures pour l'étouffer, et vous lui faites prendre 3 cuillères par heure au lieu d'une pour le guérir plus vite. Oh, mais oui, hein. Vous l'aimez si fort et vous le faites tout le temps bisquer. Mais ça n'est pas gentil, vous l'énervez. Alors, il a un manchon en main, il le laisse tomber. Ah oui, Suzanne. Mais il me fait tout de même quelquefois enrager, hein? Mais oui, mère, je sais bien. Mais est-ce que vous croyez que, quand je serai mariée avec Séraphin, il n'essayera pas aussi de me faire enrager? Je ferai semblant de rien, je ne discuterai pas. Mais je lui donnerai raison. Ça vaut mieux. Ah oui, ça... Oui, ça vaut mieux. Faites-le aussi, mère. Et je serai contente en mariant Séraphin. Sinon, je serai triste de vous laisser comme ça tous les deux. Je le ferai, Suzanne. Il est là. Voilà le manchon. Vous le mettez, Suzanne? Oui, père. Eh bien, Ferdinand, est-ce que votre col tient maintenant? Oui, oui, oui. Si vous voulez, je coudrai la boutonnière. Allez, je vais chercher du fil. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, père, comme mère est gentille. Oui, je me suis à me demander ce qu'il y a. Elle a sans doute encore besoin de quelque chose. Mais elle est toujours comme ça. Quoi? Elle est toujours comme ça. Mais vous ne le voyez pas? Oui, je... Mais non, père, vous ne le voyez pas. Oh, je sais bien qu'elle a des idées, mais il faut passer là-dessus. Elle est si bonne, père. Tout. Vous l'avez choisie parce que vous l'aimiez, et ça n'a pas changé. Oh, elle n'est plus aussi jeune ni aussi jolie que le jour de votre mariage, naturellement. Mais vous aussi, vous avez changé. Hein? Oui, vous êtes encore très bien. Hein? Et tout le monde dit que vous ne paraissez pas votre âge. Mmh. Et quand vous sortez avec moi, mes anciennes camarades de classe vous prennent pour mon amoureux. Mais enfin, vous avez changé. Mais votre mère, vous savez, est restée encore très jeune aussi. Elle a des bras comme une jeune fille. Tenez, l'autre jour, quand on est allé au bal du 18e siècle de la Grande Harmonie, dans son costume de Madame de Sévigné, avec ses cheveux poudrés et son col de dentelle et sa petite mouche sur le côté. Je vous assure qu'il avait tout à fait l'air d'un de ce tableau que nous avons vu quand nous sommes allés chez votre oncle de Saint-Quentin. Là. Oh oui, un Latour. Oui, votre mère est un Latour. Étonné, ce soir-là de la Grande Harmonie, vous n'avez pas vu comme cet officier d'ordonnance du prince Albert la regardait? La moutarde commençait même à me monter au nez. Je ne suis pas jaloux et j'ai confiance dans votre mère, mais enfin, je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai une fois regardé ce capitaine bien dans le blanc des yeux, et j'allais lui demander ce qu'il avait sur Hortense quand il est venu auprès de moi, parce qu'il avait bien vu que je n'avais pas l'air content. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, rien du tout. Il était très embêté et il m'a dit, « Est-ce que votre col de chevaux léger ne vous gêne pas un peu, monsieur, car vous êtes si rouge? » Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? « C'est possible, monsieur. » Mais le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Il m'a répondu, cette leçon vaut bien un fromage. Et il m'a conduit au buffet. Eh bien, vous voyez, encore un peu, vous aviez un duel avec un officier d'ordonnance du prince Albert parce qu'il avait regardé mes. Un duel. Oui, je sais bien que ce soir-là, vous étiez en chevaux légers. Ça n'empêche pas tout de même que vous avez senti combien vous étiez resté amoureux de votre femme. Oh, amoureux! Mais oui, amoureux! Seulement, voilà, quand on est marié depuis longtemps, on a tellement l'habitude d'être heureux ensemble qu'on ne se rend plus compte. Mm-hmm. Il faut un incident pour vous le révéler, car la certitude du bonheur est tout près de l'ennui. Mm-hmm. Vous êtes trop sûr de votre bonheur. Alors vous ne le sentez plus, papa? Remettez de temps en temps votre costume de chevaux légers. Il allait si bien, maman. Battez-vous pour elle. Ne vous disputez plus avec elle. Toutes ces chamailleries sont bêtes. Il n'y a rien là-dedans. Vous discutez pour un bouton de colle ou pour un bec au air. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans la vie, un bouton de colle et un bec au air? Rien du tout, au fond. Eh ben, père, soyez gentil avec mère. Ne discutez plus. Donnez-lui raison. Ça vaut mieux. Oui. Ça la vaut mieux. Ferdinand, j'ai pensé que si vous ne savez pas remettre le manchon, on pourrait chercher le gazier. C'est une idée. Mais puisque moi, je sais le mettre. C'est comme vous voulez, Suzanneke. Allez, lop, mon col vient de nouveau de sauter. Allez, venez, je vais un peu fermer la boutonnière. Oui, j'ai laissé tomber l'aiguille. Oui, c'est sûr, ça va tenir quelque chose en main, mais vous. Tiens, si vous ne m'aviez pas obligé d'aller en chercher en haut. Oh, le père, allez, mais... Je vais aller en chercher une autre. Non, Hortense, je vais avec vous. Vous avez besoin de moi, mademoiselle Suzanne? Oui, monsieur Albert, pour mettre un manchon. Ah, mademoiselle, je ne sais pas mettre des manchons. Et puis, mettre des manchons, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ça ne se porte pas. Ah, oh, c'est vraiment comique ce que vous avez dit là. Ah, oh, c'est très parisien. Ce n'est peut-être pas très parisien, ce n'est peut-être pas bruxellois, mais c'est comme ça. Alors, si vous permettez, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça est gentil maintenant. Pardon, mademoiselle, veuillez me dire si je suis envoyée ici pour être gentille ou si je suis chargée d'un travail déterminé. Vous avez donc tant à faire aujourd'hui? Énormément. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, rien, 2700 étiquettes à coller sur des bouteilles. Alors? Monsieur Albert. Mademoiselle Suzanne. Veuillez mettre ce manchon au bec de gaz. Pardon, mademoiselle, est-ce en service commandé? Mais non, monsieur Albert, je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz. Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz... Parce que ça raccommodera père et mère qui est en dispute à cause de ça. Ah, mais j'ignorais que les manchons recollassent les ménages, mais puisque la bonne entente de la famille Beulemans doit en dépendre, et comme j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère... Et que vous m'avez promis que vous seriez très gentil avec moi. Ah, j'ai promis? Oui, c'est vrai, j'ai promis. Oh, monsieur Albert, vous êtes tout de même bien comme ça. Oui, la statue de la Concorde éclairant le ménage Beulemans. Ça ferait bien sur une pendule. Monsieur Albert, vous vous moquez de moi. Comment? C'est moi qui suis ridicule et je me moque de vous? Vraiment, monsieur Albert, je croyais pas que c'était trop ce petit service que je vous ai demandé. Ah, voilà comment on se trompe. Et je ne croyais pas que vous auriez été grossier avec moi. Ah, je vous demande pardon, mademoiselle, je ne suis nullement grossier. Vous m'avez demandé de placer ce manchon, je l'ai placé, il est là.

Madame Séraphin Beulemeester, née Beulemans. Voilà ma carte de visite. Ce n'est pas un Bristol de luxe, mais c'est de la bonne typographie sur du bon carton. Et puis, Monsieur Séraphin, c'est aussi le choix de mes parents. Je ne puis pas dire que j'ai pour Monsieur Séraphin un amour véritable, mais il ne me déplaît pas. J'aurai la tranquillité avec lui. C'est peut-être encore plus certain que le rêve où m'emporterait une passion comme on en voit dans les romans et qui me ferait tomber de trop haut. Monsieur Albert, ne me faites plus penser à un bonheur pareil. Je ne le mérite pas plus que les autres. Et les autres, en ont-ils de bonheur? Oui, il y a des gens heureux, ou du moins, il y en a qui ont le courage de tendre vers un bonheur meilleur. Mais à la fin, Monsieur Albert, vous allez dire que Séraphin est un mauvais sujet, un soulard qui me battra. Oui, mais qu'est-ce que vous avez à dire contre Monsieur Séraphin? Avez-vous seulement un seul reproche à lui adresser? Un seul? Connaissez-vous seulement une seule mauvaise action de sa part? Non. Alors? Et puis, quand vous m'aurez comme ça laissé entrevoir des choses impossibles, est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari qui me comprendra, qui me fera voir toutes les grâces que je n'ai pas? Est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari auquel je n'ai jamais voulu penser, même quand j'étais une petite fille? Parce que je savais qu'il était introuvable dans le monde où je suis née, dans le monde où je dois vivre. Vous le seriez, vous, ce mari? J'étais tranquille, j'étais simple, j'étais sur la terre. Et voilà que vous m'emportez vers des rêves impossibles. C'est très mal, Monsieur Albert. Vous êtes un méchant et je vous déteste. Oui, oui, je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Mais qu'est-ce que vous lui avez encore fait, Monsieur Albert, que ce genre qui a des larmes dans les yeux? Oui, papa, il est très méchant. Et cependant, moi, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien fait. Mais enfin, monsieur... Oui, papa, il m'a appelé Campanule, petite âme claustrée, et il m'a mise au milieu d'un lac. Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac? Allez, monsieur, sortez, vous n'avez rien à faire ici. Votre place est au bureau. Mais papa, mais qu'est-ce que vous avez contre ce garçon? Moi? Mais oui, vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables. Mais c'est vous qui... Mais moi qui quoi? C'est vous qui vous êtes plainte? C'est moi qui ai fait venir monsieur Albert pour mettre le manchon. Tenez, je ne sais pas ce que vous avez. Je commence à croire que monsieur Séraphin vous a tourné la tête et que votre mariage vous rend folle. Est-ce qu'il a su le placer? Quoi? Le manchon. Très bien. Ça m'étonne. Je l'ai même fait avec dextérité. Dextérité. En propos, j'ai appris, monsieur Albert, que vous êtes entré dans la société des employés et ouvriers de brasserie. En effet, monsieur Beulemans, j'ai pensé vous être agréable. Ah, c'est bien, ça a fait. Vous voulez m'être agréable? Eh bien, mon ami, si vous voulez réellement m'être agréable, ne vous mêlez de rien du tout. Oh. J'ai Séraphin pour me pousser. Mais... C'est tout ce qu'il me faut. Je sais ce qu'on pense de vous à la société, et ça est dangereux pour moi. Ce qu'on pense de moi? Oui, avec vos façons de parler, de faire des manières. On dit que vous êtes un faiseur d'embarras, et on vous évite. Oh, je vous affirme que je n'ai pas remarqué cet ostracisme. Ostracisme? Vous voyez, hein? Oui, Suzanne, que moi, je n'aime pas ce garçon, hein? Moi, je n'aime pas ce garçon. Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous dites ostracisme à papa? Il sait pas ce que ça veut dire, et alors? Et alors quoi? Ah ben alors, il trouve que c'est vous qui êtes un imbécile. Oh. Au revoir, mademoiselle Suzanne. Je vais dans l'arrière-boutique. Au revoir, à tantôt. À tout à l'heure. Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Isabelle! Mademoiselle Suzanne, ne riez pas. Je sens que je vais vous faire un gros chagrin, mais je sens que je dois vous le faire. J'y ai toujours pensé avant de vous le faire, ce gros chagrin, mais maintenant, je crois que je dois vous faire ce gros chagrin. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Eh bien, voilà 6 nuits que je ne dors pas, mademoiselle. Vous vous rattraperez. Allez, dites. Oui, ça vaut mieux. Oui, mais dites. Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Sans ça, je ne pourrai plus rien dire du tout, et je sens que je vais pleurer. Oh, ne pleurez pas, et pour l'amour de Dieu, parlez. Oh, Jésus Maria. Oui. Eh bien, voilà, c'est une chose qu'on m'a dit chez la verdurière du coin, qui est amie avec le fils de l'estaminet de la rue du Boulet, et qui est le frère de la nourrice de celui-là de la botte rouge, et qui fait les bottines de Monsieur Séraphin. Ouf! Ah ben, je respire. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit comme ça que Monsieur Séraphin fréquentait sur une fille qui est lingère à la journée, et qui s'appelle Anna, et qui est sa bonne amie. Eh bien, tous les jeunes gens ont une bonne amie? Ah oui. Et ça est tout? Oui, oui et non. Allez, allez, Isabelle, il y a autre chose. Oui, mademoiselle Suzanne, il y a autre chose. Il y a un enfant. Un enfant de Séraphin? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Oui, mais tout à fait sûr? Oui, je l'ai vu quand le fils de l'estaminet de la rue du Boulet a dit ça à la verdurière et que la verdurière me l'a raconté. J'ai été pour voir moi-même parce que je vous aime tant, mademoiselle Suzanne. J'ai pris les renseignements et maintenant je sais que c'est certain. Alors je n'ai pas voulu attendre qu'il était trop tard et j'ai demandé à Isidore. Quel Isidore? Eh bien, sous-officier de mon quartier. Hein? Oui, il est de mon quartier, vous voyez, et il m'a dit, vous devez pas vous mêler avec ça, ce garçon est bien libre de faire ce qu'il veut. Alors j'ai tout de suite su que je devais vous le dire, parce que les hommes, mademoiselle, c'est tous des... Oui, elle. Oui, enfin, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, comme ça, vous êtes prévenus, et vous saurez ce que vous devez faire avant de vous marier. Suzanne! Oui, oui, voilà, madame, mais ne dites rien de ce que je vous ai raconté. Oui, c'est bon, allez. Oui. Suzanne, c'est Raphaël, le ministre est là, avec son père. Mais n'est pas encore l'heure. Ben, ils viennent un peu avant pour pas avoir l'air d'arriver juste pour manger. Ce sont des gens distingués. Allez, je vais un peu me coiffer. Oui, hein. Je vais avec.